de ce qui avait été leur service. À la fin, M. de la Hourmerie, cédant aux supplications de ses collègues, avait consenti à se l'adjoindre, et comme on abandonne un objet inutile aux pattes meurtrières d'un gamin, il lui avait donné la gestion des affaires classées. Là, au sein même du dieu papier, que Van der Hogen était bien, libre de nager, de patauger, de s'ébattre en une pleine mer de documents officiels, de débats jurisprudentiels, de rapports administratifs accumulés les uns sur les autres depuis les premiers âges de la direction, il passait d'esquisse journée à galoper de son cabinet aux archives, où il s'éternisait inexplicablement et d'où il revenait blanc de poussière, pressant sur son plastron de ses mains de charbonnier des dossiers que visiblement il avait dû aller chercher à plat ventre sous les arêtes aiguës des toits embroussaillés de toiles d'araignée. Il avait apporté une échelle double, du haut de laquelle, souriant et âpre, il fouillait les recoins de la pièce, sondant de coups de poing le plafond et les murs, avec l'espérance que peut-être d'autres documents jailliraient encore. Sur sa tête à demi vénérable déjà, d'antiques cartons arrachés violemment à l'étreinte de leurs alvéoles s'ouvraient, lâchant des avalanches de paperasses qui se répandaient par le vide, pareils à des vols d'albatros, pour se venir écrouler en morceaux sur le sol. Mais il ne s'en effarait pas, ravi plutôt, chez soi au cœur de ce pillage et gardant, du haut de son perchoir, une face silencieusement rayonnante. Et quand enfin autour de lui, c'était le triomphe du chaos, l'orgie auguste du pêle-mêle, l'enchevêtrement définitif et à tout jamais incurable, Van der Hogen prenait sa plume et documentait à son tour, lancé maintenant dans des flots d'encre. Entre deux murailles de dossiers équilibrés à chaque extrémité de sa table et que le passage de voitures agitait de grelottements inquiétants, il couvrait de sa large écriture d'innombrables feuilles de papier qu'il envoyait par charté au visa directorial et qu'on retrouvait au lieu le lendemain matin. Tartine extraordinaire où se voyaient favorablement accueillies les revendications d'obscurs collatéraux enterrés depuis des années, ou des notaires envoyés à Toulon en 1818 pour faux en écritures authentiques étaient signalés au parquet comme coupables d'infraction à des circulaires abrogées. Il brochait ses âneries d'une main convaincue, s'interrompant de temps en temps pour brandir à travers l'espace des bâtons enflammés de cire rouge, abattre au hasard du papier des coups de timbre secs formidables qui sonnaient comme au creux d'une caisse, les coups de marteau d'un emballeur. Il regrimpait à son étage, en redescendait aussitôt, s'en retournait ensuite aux archives, pour de là rappliquer chez le bibliothécaire une vieille bête que tuait de chagrin à petit feu ses façons de charcuter le Dalloz, le recueil des avis du Conseil d'État et la collection de l'officiel. Il bouleversait la direction de son importance imbécile. Son inlassable activité était celle d'un gros hanneton tombé au fond d'une cuvette. Mystérieux, solennel, profond, il détenait des secrets d'État, il n'avait pas son semblable pour demander aux gens « Comment vous portez-vous ?» de la même voix dont il leur eût jeté à l'oreille « Vous voudriez pas acheter un joli jeu de cartes transparentes ?» Son fort, pourtant sa véritable spécialité, c'était s'immiscer sournoisement dans les choses qui ne le regardaient pas. La confiscation à son profit du travail de ses collègues. Ceci pour montrer ses talents, son chic unique, à faire jaillir la lumière en démêlant en un clin d'œil des écheveaux d'affaires compliquées sur lesquels employés et chefs avaient sué sang et eau des mois. Et le fait-elle qu'il excellait, comparablement à pas un dans le bel art des solutions promptes, ainsi qu'il en appert clairement au surplus des faits que nous allons conter. En janvier 1890, un sieur Quibolle, Grégoire Victor, décédait à Vannes-en-Bresse, dans l'Ain, léguant au musée de cette ville une paire de jumelles marines et deux chandeliers Louis XIII. 2 ans plus tard, l'affaire n'avait pas fait un pas. Ballottée de cartons en cartons, elle flottait par les bureaux des dons et laits, tiraillée comme à 2 chevaux entre les 2 avis radicalement contraires, de l'autorité ministérielle et de l'autorité préfectorale, concluant l'une au rejet du lait, l'autre à son acceptation. Le pire était que 2 députés ennemis avaient pris la chose à leur compte et tiraient dessus, chacun dans un sens, avec menace de créer des complications au cabinet si le litige n'était tranché, inversement à l'avis de l'autre. Le tout au grand chagrin du conservateur légataire, inondant la direction de rappels désespérés et hurlant après son bien comme un chien de garde après la lune. Saisi de la question, le Conseil d'État hésitait, discutait le point de savoir lequel au juste d'un lait proprement dit ou d'une charge d'hérédité non sujette à l'approbation du gouvernement constituait la libéralité Quibolle. Et le débat en était là quand Van der Rogen intervint. Une fois qu'il passait devant la porte ouverte du rédacteur Chavarax, il aperçut le bureau vide et sur la table un dossier gigantesque de la hauteur d'une cage à serins. « Le lait Quibolle !» Sauter dessus, s'en emparer comme d'une proie et l'emporter en son repaire, fut pour lui l'affaire d'un instant. Accomplie à l'insu de tous, l'opération réussit à merveille, et 1 heure après, pas 2, 1, la question était tranchée. Entre les mains secouées de zèle du terrible Van der Rogen, une à une les pièces du dossier, s'en étaient allées, Dieu sait tout, voir si le printemps s'avançait. Celle-ci lâchée sur la province afin de complément d'instruction, celle-là emmêlée par erreur à des pièces d'autres dossiers, d'où un micmac de paperasse a défié un cochon d'y retrouver ses petits et l'immobilisation définitive d'une affaire devenue insoluble. Et M. de la Hourmerie, pris au dépourvu, n'en fut pas moins très remarquable d'une audace tranquille qui stupéfia l'arrié. « Monsieur, dit-il, l'affaire a été soumise il y a 8 jours à l'examen du Conseil d'État. Mais peu importe, veuillez vous asseoir, je vous prie. Vous veniez pour vos chandeliers. »« Oui, monsieur, dit le conservateur, et pour ma jumelle marine. » C'était vrai. À bout de patience et cœuré de vaines attentes, il s'était enfin décidé à faire son petit coup d'État en venant à Paris lui-même disputer aux lenteurs administratives son humble part du lait Quibolle. Et il compta que depuis 20 minutes, il errait, triste chien perdu par les tortueux dédales de la direction. Bien sûr, il ne se plaignait pas, mais à ses étranges sourires, à ses mots qu'il ne trouvait pas, à ses phrases pudibondement interminées, on reconstituait les dessous de sa lamentable odyssée. On pressentait sur quels extraordinaires locaux il avait dû pousser des portes. Combien de corridors enchevêtrés avaient vu et revu sa mélancolique silhouette aux épaules voûtées un peu déjà par l'âge. Il se justifia d'ailleurs. « Je vous demande 1000 pardons, monsieur, de venir ainsi vous troubler au milieu de vos occupations. Même ma situation toute spéciale me fera excuser, je l'espère. Il faut vous dire qu'en me nommant à Vannes-en-Bresse, monsieur le ministre des Beaux-Arts ne m'a pas, comment dirais-je, exceptionnellement favorisé. Mon Dieu, non. À beaucoup près, même. Le musée de Vannes-en-Bresse, en effet, n'est pas des plus intéressants. Certes, dire qu'il n'y a rien à y voir serait de l'exagération. En somme, il possède plusieurs tableaux de maîtres, des copies naturellement, une belle collection d'insectes et des bocaux de produits chimiques, ce qui est déjà quelque chose. Vous comprenez pourtant à quel point cette jumelle et cette paire de chandeliers, objets d'un haut intérêt, sont pour moi une bonne fortune. » Larrier s'amusait follement. Il eut payé 20 francs de sa poche pour assister à la fin de l'entrevue, tant l'égayait et l'attendrissait à la fois la pauvre figure du conservateur. Roublard, ayant vu du coin de l'œil son congé qui se formulait sur la bouche à demi ouverte de son chef, il prit carrément la parole. « Oh, l'affaire, dit-il, est si bien au Conseil d'État que c'est moi qui l'y ai envoyé. » Puis, sur la question faite d'une voix tremblante, « Puis-je du moins espérer une solution prompte ?»« Oh, incessante, déclara-t-il. J'oserais presque dire immédiate. » Qu'il fût payé de son aplomb. Au mot « immédiate », l'œil du conservateur s'était enflammé comme une torche. Un indéfinissable sourire de cupidité satisfaite avait illuminé sa face. Il bégaya. « Oh, fort bien, fort bien, parfaitement, mon Dieu, que je suis aise de ce que vous me dites là !» Les mots ne se présentaient plus. Il était trop heureux, cet homme. Déjà, il tenait son bien, il l'emportait ainsi qu'une proie. Et un rêve lui montrait sa vieillesse chargée de gloire. Des quatre extrémités du monde, il voyait des populations affluer à son petit musée, se masser muettes d'admiration devant la jumelle marine et les deux chandeliers Louis XIII. Oh, « En effet, fit alors M. de la Hourmerie, que le joli toupet de l'expéditionnaire avait démonté un peu. « La section ne saurait tarder à se prononcer, et je n'attends que le retour du dossier pour soumettre la signature du président de la République, le degré d'autorisation. Si monsieur, et il souligna, qui est si exactement renseigné, veut bien faire dès à présent le nécessaire, nul doute que je sois en état de vous satisfaire rapidement. » Larrier se disait... Cette fois, ça y est. Il chercha un mot heureux, un de ces mots qui couvrent la honte des défaites, mais ne trouvant rien, il salua et sortit, accompagné jusqu'à la porte de la voix doucement éplorée du citadin de Vannes-en-Bresse insinuant « Oh, j'aurai donc l'honneur de vous revoir, monsieur le chef de bureau. Je suis à Paris pour quelques jours, et si naturellement, je pouvais repartir avec mes ampliations. »